Chapitre 15. Cynisme pur. Bien qu'il fût à peine 8 heures lors de l'arrivée au restaurant, il en était plus de 11 quand Lagnard réclama l'addition. « Nous avons tout le temps, avait-il dit, car nous ne pouvons rien faire avant minuit. L'aimable art du cambriolage a sa technique, vous le savez, ses règles morales. Nous ne pouvons pas décemment violer l'intimité du coffre-fort de Madame Humbert avant que les gardiens des lieux ne soient profondément endormis. Cela ne se fait pas, voyez-vous. Ce n'est pas reçu d'aller cambrioler quand les gens convenables et respectueux des lois sont encore éveillés. En attendant, nous sommes mieux ici qu'à arpenter les rues. » Il est silencieux et sinistre, de nuit, ce labyrinthe de petites rues qui s'étend au nord des Halles. C'est le vieux Paris, taciturne et sombre, plongé dans ses souvenirs de farouche romantisme. À part des réverbères d'angles clairsemés et vacillants, la rue qui accueillit le couple sortir du restaurant tiède et intime était lugubre comme une allée de cimetière. Ces maisons aux toits mansardés et aux fenêtres à tabatière s'entre-regardaient comme à une veillée de muets, vêtus de noir et encapuchonnés. De rares lumières s'y montraient. Aucune ne trahissait le moindre son de ce qui se passait derrière ces stores jalousement baissés. À présent, la pluie avait cessé, et bien que le ciel demeurât menaçant, l'air pur et avivé d'une pointe de gelée contrastait agréablement avec l'atmosphère lourde et humide qui avait régné dans les dernières 24 heures. « Nous allons marcher, » proposa Lagnard. « Si cela ne vous fait rien, une partie du chemin au moins. Cela passera le temps, et un peu d'exercice nous fera du bien à tous les deux. » La jeune fille acquiesça volontiers. Le martèlement de leurs talons, sur le pavé déjà presque sec, éveillait les échos dans le silence de ce quartier endormi, et ce bruit isolé leur rendait impossible d'ignorer leur solitude apparente, aussi impossible qu'il l'était pour Lagnard d'ignorer le fait qu'ils étaient suivis. L'ombre qui les épiait de l'autre côté de la rue, à 50 mètres en arrière, ne faisait pas plus de bruit qu'un chat. Mais n'eût été ce détail, si elle n'avait pas mis une sourdine à ses pas, Lagnard aurait été lent à comprendre qu'elle s'occupait de lui, tant il s'était flatté jusqu'alors d'avoir donné le change à la meute. Et ce lui fut l'occasion de diagnostiquer un nouveau symptôme de l'incurable stupidité de la meute. Extrêmement sur ses gardes, il avait découvert cette poursuite avant même de quitter le pâté de maison du restaurant, tout en dissimulant, aussi bien pour éviter d'alarmer sa compagne que pour leurrer l'espion, il changea de route 2 ou 3 fois, en tournant plusieurs coins successifs. Puis, bien convaincu que l'ombre lui en voulait à lui exclusivement, il renonça vite à son plan primitif et, au lieu de s'en tenir aux petites rues sombres, il se dirigea tout droit vers le large boulevard de Sébastopol, bien éclairé et animé. Après avoir traversé sans regarder en arrière, il le remonta vers le nord, cherchant quelques cafés dont la disposition convint à ses projets, et bientôt, mais peu avant d'être arrivé au grand boulevard, il en trouva un à son goût, un établissement gai et bien illuminé, occupant un coin, avec une entrée sur chaque rue. Une haie de fusains rachitiques, plantée dans des caisses de bois, protégeait sa terrasse aux tables rondes de métal et aux chaises squelettiques dont peu étaient occupées. À l'intérieur, visible à travers les larges glaces des fenêtres, une douzaine de clients tout au plus étaient assis autour de moitié autour de tables, occupés à jouer aux dominos ou à bavarder. Des bourgeois solennels avec leurs épouses, petits boutiquiers du voisinage. C'est en joint à cette société, Lagnard choisit, contre le mur du fond, une table rectangulaire à dessus de marbre, se retrancha avec la jeune fille sur la banquette arrière, commanda 2 cafés et de quoi écrire, et se mit en devoir d'allumer une cigarette avec la nonchalance de quelqu'un qui a tout le temps. « Que se passe-t-il ? » demanda Lucie à mi-voix quand le garçon fut parti exécuter la commande. « Vous ne nous avez pas fait rentrer ici pour rien ?»« C'est vrai, mais plus bas, je vous prie. Si nous parlons anglais assez haut pour être entendus, cela va attirer l'attention. Le malheur est que nous sommes suivis. Mais jusqu'à présent, notre ombre fidèle ignore que nous le savons, à moins qu'il ne soit plus malin qu'il ne le paraît. En conséquence, si j'en juge correctement, il va s'attabler au dehors, de façon à garder l'œil sur nous dès qu'il verra que nous avons l'air de vouloir rester un moment. D'ailleurs, j'ai une lettre à écrire, et pas seulement comme subterfuge. Il nous faut semer cet individu, et aussi longtemps que nous restons ensemble, cela ne se peut pas. » Il s'interrompit, tandis que le garçon les servait, puis sucra son café, disposa à sa commodité la bouteille d'encre et le papier, et se pencha sur sa plume. « Approchez-vous, dit-il, comme si ce que j'écris vous intéressait et vous amusait. Si vous pouviez rire un peu, cela vaudrait mieux. Mais surveillez bien les fenêtres. Vous pouvez le faire plus facilement que moi, plus naturellement de dessous le bord de votre château. Et dites-moi ce que vous voyez. » Il ne se fut pas plutôt disposé à écrire que la jeune fille, elle feignait de suivre sa plume avec la plus grande attention, se mit à rire coquettement et lui poussa le coude. La fenêtre à la droite de la porte par où nous sommes entrés, tel, en souriant d'un air amusé, il se tient derrière les fusains et regarde à l'intérieur. « Pouvez-vous distinguer qui c'est ?» demanda Lagnard sans remuer les lèvres. « Non, je vois seulement qu'il est grand, » dit-elle avec tous les signes de s'amuser prodigieusement d'une plaisanterie. « Sa figure est tout entière dans l'ombre. »« Patience, » conseilla l'aventurier. « Il va s'enhardir quand il sera convaincu de notre ignorance. » Il déposa sa plume, leva les yeux au plafond pour y chercher l'inspiration, et un faible sourire se joua sur ses traits. « Vous irez porter cette lettre, s'il vous plaît, » dit-il gaiement, à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, en taxi. « C'est à quelque distance près de l'étoile. Une faible chance, mais il nous faut la tenter. Laissez-moi seul une demi-heure, et je vous promets de décourager cet animal d'une façon ou d'une autre. Vous m'entendez ?»« Parfaitement, » fit-elle avec un rire espiègle. Il se pencha et, durant une minute, écrivit activement. À présent, il fait le tour du coin, sans nous quitter des yeux, annonça la jeune fille, son épaule contre l'épaule du jeune homme et sa tête délicieusement proche de la sienne. « Bon, le distinguez-vous un peu mieux ?»« Pas encore. » Cette lettre, fit-il sans arrêter sa plume ni paraître même dire quelque chose, est pour le concierge d'une maison où je loue un garage pour une petite auto. Je passe là pour être un chauffeur au service d'un Anglais lunatique qui ne cesse de me faire faire avec lui le voyage aller et retour entre Paris et Londres. Cela pour rendre compte de l'irrégularité avec laquelle je me sers de la voiture. Ils me connaissent, monsieur et madame de la conciergerie, sous le nom de Pierre Lamier. Ils sont francs, non seulement dignes de confiance et sympathiquement disposés, mais d'un esprit tout à fait naïf, et je ne crois pas qu'ils jasent beaucoup. Il y a donc des chances pour que deux morbillons et sa bande ignorent cet arrangement. Mais tout cela est hypothétique, et je ne m'en sers qu'en désespoir de cause. « J'ai compris, » répondit la jeune fille. « Il se promène de long en large, derrière la haie. Nous n'aurons pas besoin de cette voiture cette nuit, mais l'hôtel de Madame Humbert est dans les environs, et j'irai vous rejoindre là, dans une heure au plus. En attendant, cette lettre vous présentera au concierge et à sa femme. » J'espère que vous ne vous en formaliserez pas, comme m'a promise. Je leur ai dit que nous nous sommes fiancés en Angleterre et que je vous ai amené à Paris pour aller rendre visite à ma mère, à Montrouge, mais que je suis retenue par les affaires de mon patron et qu'ils veulent bien vous offrir l'hospitalité pour une heure. « Le voilà qui entre, » annonça tout bas Lucie. « Ici dedans ? » ?»« Non, seulement à l'intérieur de la rangée d'arbustes. » « Quelle entrée ?» ?»« Celle du boulevard. Il a pris la table du coin. À présent, un garçon sort pour aller le servir. « Vous ne voyez pas sa figure à présent ?» demanda Lagnard tout en cachetant sa lettre. « Pas bien. Rien qui vous permette de le reconnaître ?»« Rien. Vous connaissez de vue Popinot et Wertheimer ?»« Non, rien que de nom. De Morbihan et M. Bannon ont parlé d'eux hier au soir. »« Ce ne peut être Popinot, » songea Lagnard en écrivant l'adresse sur l'enveloppe. « C'est un poussin. Cet homme-ci est grand et mince. » « Wertheimer, peut-être. A-t-il l'air d'un Anglais ?»« Pas du tout. Il porte une moustache, blonde, retroussée, comme celle du Kaiser. » Lagnard ne répondit pas, mais le cœur lui manqua, et il eut un petit frisson d'effroi. Il ne doutait plus que le pire s'était produit, et qu'au nombre de ses ennemis dans Paris s'ajoutait Extrême. Un regard furtif confirma cette conclusion. Il lança un juron, à part et avec la mine innocente d'un enfant, tout en avalant son café et achevant sa cigarette. « Qui est-ce donc ? » demanda-t-elle. « Le connaissez-vous ? » Il répugnait fort à l'inquiéter, car il se rappelait lui avoir dit qu'on attribuait à Extrême l'assassinat de Huysmans. « Rien qu'un parasite de Morbihan, » répondit-il avec détachement. « Un animal invertébré. Aucune difficulté pour l'intimider. Maintenant, prenez cette lettre, je vous prie, et nous allons partir. » Mais en arrivant à la porte, faites demi-tour et sortez par l'autre. Vous trouverez sans peine un taxi, et ne vous arrêtez sous aucun prétexte. » Il avait eu la précaution de payer sitôt les consommations servies, et il fut conséquemment libre de partir à l'improviste sans laisser à Ekstrom le temps de se reconnaître. Se levant brusquement, il repoussa la table de côté. Lucie ne fut pas moins prompte, et guère moins sensible, à la gravité du moment. Et quand elle passa devant lui, ses cils se levèrent et ses yeux furent pour un instant tout à lui. « Bonsoir, » souffla-t-elle, « bonsoir, cher ami. » Elle ne pouvait mieux deviner ce dont il avait besoin pour le soutenir dans la lutte imminente. Il n'avait pas hésité sur ce qu'il devait faire, mais jusqu'alors une crainte affreuse l'avait tenaillé, car il savait trop bien quel dangereux individu était le bandit allemand. Mais désormais, il ne pouvait plus faiblir. Il se dirigea rapidement vers la porte donnant sur le boulevard, et du coin de l'œil, il vit Ekstrom, pris au dépourvu, se lever à demi de sa chaise, puis s'y laisser retomber. À deux pas de la sortie, la jeune fille s'arrêta, murmura en français « Oh, mon mouchoir !» et se retourna rapidement sur ses pas. Sans faire halte, comme s'il n'avait pas entendu, Lania ouvrit la porte large et sortit, se dirigeant droit sur l'espion. En même temps, il plongea la main dans sa poche où gîtait ce revolver. Par bonheur, Ekstrom avait choisi une table dans un coin assez éloigné de toutes les autres. Lagnard pouvait lui parler sans crainte d'être entendu par un tiers. Mais tout d'abord, il s'en abstint. Ekstrom non plus ne parla ni ne remua. Assis de biais à sa table, les jambes croisées négligemment, l'Allemand tenait lui aussi une main enfoncée dans la poche de son gros holster noir. Ainsi, aucun des deux ne douta du mauvais vouloir de l'autre ou qu'il fût sur ses gardes. Et, durant 30 secondes de silence, ils restèrent en arrêt, chacun s'efforçant de tout son pouvoir de lire dans les yeux de l'autre ce qu'il méditait. Mais il y avait cette différence entre leurs deux attitudes, que tandis que le regard de Lanière bravait son ennemi, celui de l'Allemand exprimait une méfiance sournoise. Et bientôt, Lanière sentit son cœur s'alléger. Les yeux de l'espion s'étaient détournés. « Ekstrom, » dit posément l'aventurier, « si vous tuerez, je ne vous raterai pas avant de tomber. C'est là un fait irrécusable. » L'Allemand hésita, passa une langue tremblante sur les coins de ses lèvres et se borna un signe de tête. Il avait compris. « Ôtez votre main de ce revolver, » lui ordonna Lagnard. « Rappelez-vous, je n'ai qu'à prononcer votre nom tout haut pour vous voir mettre en pièces par ces gens. » Votre vie ne vaut pas tripette dans Paris, comme vous devriez le savoir. » L'Allemand hésita, mais au fond, il savait que Lagnard n'exagérait pas. Le meurtre de l'inventeur avait soulevé toute la France d'indignation. Et bien que ce soir-là le mauvais temps maintint chez eux un tiers des Parisiens, il y avait encore sur le trottoir au-delà de la frêle barrière des fusains un flot de promeneurs qui s'épaissirait sous le moindre prétexte et deviendrait vite une foule en délire. Il s'était mépris au sujet de Lagnard. Il avait cru que celui-ci, même se sachant poursuivi par lui, chercherait à le semer en fuyant plutôt que de faire face pour combattre. Et combattre ici, vraiment... « M'entendez-vous ? » reprit Lagnard du même ton uni et ferme. « Mettez vos deux mains en vue, sur la table. » Il n'y eut plus d'hésitation. Ekstrom obéit avec la mauvaise grâce d'une bête fauve qui voudrait pouvoir trucider son empereur d'un seul coup de patte s'il l'osait. Pour la première fois depuis qu'il s'était séparé de la jeune fille, Lagnard se relâcha de son guet vigilant sur l'individu, le temps de jeter un bref coup d'œil par la fenêtre à son côté. Mais Lucie avait déjà disparu du café. Il respira plus librement. « Allons, » dit-il avec autorité, « levez-vous. Nous avons à causer, je présume, à régler cette affaire, et nous n'aboutirons à rien ici. » « Où allons-nous donc ? » interrompit l'Allemand, soupçonneux. « Nous pouvons nous promener. » Irrésolu, l'espion décroisa les jambes, mais ne se leva pas. « Nous promener, » répéta-t-il. « Où cela ? » ?»« En remontant le boulevard, si vous voulez, là où il fait le plus clair. » « Oh ! » fit l'autre, montrant les dents avec un rictus féroce. « Mais je ne me fie pas à vous. » Lagnard se mit à rire. « Nous faisons bien la paire sur ce point, mon cher capitaine. » Nous sommes d'une race défiante, nous autres oiseaux de proie. Allons, venez! Pourquoi rester là à bouder comme un enfant gâté? Vous avez fait l'imbécile en me suivant à Paris, et aussi tristement que vous avez saboté cette affaire à Londres, je vous croyais assez d'intelligence pour ne pas venir fourrer votre tête dans la gueule du lion. Mais, cela posé, pourquoi ne pas mieux prendre la chose? Vous voyez que je vous traite gentiment, comme un égal, et vous pourriez au moins me montrer assez de reconnaissance pour accepter mon invitation à faire un tour. » Avec un grognement, l'espion se mit debout, tandis que Lagnard restait adossé contre la fenêtre et lui ménageait un étroit sentier entre les caisses de fusains et les tables. « Après vous, mon cher Adolphe !» L'Allemand s'arrêta, mi-tourné vers lui, étouffant de rage, son teint congestionné faisant mieux ressortir les cicatrices livides gagnées à Heidelberg. Là-dessus, avec un signe de tête affirmatif, Lagnard fit saillir de sa poche le canon de son revolver et avec un affreux grondement, l'autre s'avança et sortit sur le trottoir. Lagnard le suivait respectueusement à quelques centimètres en arrière de son coude. « Prenez à droite, » enjoignit-il avec amabilité, « si cela vous est égal. J'ai affaire sur les boulevards. » Ekström ne répondit rien sur le moment et céda en silence à l'injonction. « À propos, » reprit alors l'aventurier, « si vous étiez assez gentil pour me dire comment vous avez su où nous dînions, hein ?»« Si cela vous intéresse. » « Oui, cela m'intéresse, prodigieusement. » « Pur hasard, je me trouvais installé dans le café, et je vous ai entrevu par la porte comme vous montiez. Alors, j'ai attendu que le garçon vint demander votre addition à la caisse, après quoi je me suis posté dehors. Hein. »« Mais dans quel but? Pouvez-vous me dire ce que vous comptiez faire ?»« Vous le savez bien, » murmura Ekström. « Après ce qui se passait à Londres, c'est votre peau ou la mienne. » « Vous parlez en vrai malotru, mais il me semble que vous avez négligé une occasion remarquable d'accomplir votre infernal dessein là-bas, dans les petites rues. Serais-je assez bête pour vous abattre avant d'avoir découvert ce que vous avez fait de ces plans ?»« Vous auriez aussi bien fait, » riposta Lagnard avec désinvolture, « car vous ne les aurez pas autrement. » Avec un furieux blasphème, l'Allemand s'arrêta court, mais il ne put ignorer la promptitude avec laquelle son bourreau imita sa manœuvre et tint son revolver en joue à travers le tissu de son imperméable. « Hein ?» fit l'aventurier sur un ton de surprise exaspérant. « Entendez-moi bien, » murmura rageusement Ekström. « À la prochaine fois, je ne vous ferai pas grâce. » « Mais s'il n'y a pas de prochaine fois, vous savez, il n'est guère probable que nous nous rencontrions de nouveau. »« C'est ce que vous ignorez. » »« Croyez-vous ? Mais si nous reprenions notre balade, les gens pourraient nous remarquer, arrêtés ici. Vous, montrant les dents, tel un chien hargneux, « Ah, merci !» Et comme il se remettait en marche, Lagnard continua. « Vous expliquerai-je pourquoi nous ne serons pas à même de nous rencontrer de nouveau ?»« Si cela vous amuse. »« Merci, une fois de plus. »« Pour la simple raison que Paris me plaît. Aussi, je m'y fixe. »« Et alors ?» demanda l'espion avec un regard oblique. « Tandis que vous, vous allez quitter Paris ce soir même. »« Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?» C'est que vous tenez à votre vilaine peau, beaucoup trop pour rester, mon capitaine. » Arrivé au coin du boulevard Saint-Denis, Lagnard fit halte. « Un moment, je vous prie. Vous voyez là-bas l'entrée du métro, n'est-ce pas? Et ici, à 4 mètres de nous, un sergent de ville assez costaud. Pénétrez-vous congrûment de cette conjonction du destin, car 5 minutes après que vous serez descendu dans le souterrain, ou du moins, dès que le bruit d'une rame m'avertira que vous avez eu une chance de partir, je dirai comme par hasard au sergot que je viens de voir le capitaine... « Taisez-vous !» s'exclama l'autre, effrayé. « Bien volontiers. Je n'ai aucun désir de vous mettre dans l'embarras. La publicité doit être terriblement gênante pour quelqu'un de votre caractère impressionnable et discret. Mais j'espère que vous m'avez compris. D'une part, voilà le métro. De l'autre, voici le flic. Tandis que moi, vous devez le savoir, je suis grand comme la fatalité et tout à fait sérieux. Et étant donné que je communiquerai certainement mes soupçons aux représentants de l'ordre, comme dit plus haut, je vous conseillerais d'être bien loin de Paris avant le jour. » Les yeux de l'espion lui lancèrent un regard assassin, et pour un instant, Lagnard fut convaincu qu'il était allé trop loin, que même là, même à ce carrefour animé de 2 grandes artères, Ekström allait laisser son tempérament prendre le dessus sur sa raison et tenter à tout risquer d'ôter la vie à celui qui l'avait dépouillé. Mais il se trompait. Avec un amer haussement d'épaule, l'espion se détourna et marcha droit vers l'entrée du chemin de fer souterrain dans lequel il s'engouffra sans un regard en arrière. 2 minutes plus tard, le grondement d'une rame allant vers le nord faisait trembler le sol sous les pieds de Lagnard. Il attendit encore 3 minutes, mais Ekström ne reparut pas. Et convaincu à la fin que son avertissement avait suffi, Lagnard tourna les talons et s'éloigna.